Il était gris, il était gris, il était grisonnant vers les oreilles. C'est le caca, c'est le cacao qui accompagnait son réveil. Il aimait les cons, il aimait les cons, il aimait les confitures et surtout celles à la fraise. Il avait des poux, il avait des poux, il avait des pouvoirs municipaux, car c'était le maire. Et Marcellus et son violon ne jouaient que pour les étoiles, un air humble et sans façon, mais d'une beauté astrale. C'était un porc, c'était un portail qu'il poussait pour entrer dans son jardin. Il y montrait son cul, il y montrait son cul, il y montrait son cultivé petit potager à sa voisine. Puis aller aux putes, puis aller aux putes, puis aller au petit commerce de son village. C'était un homme mort, c'était un homme mort, c'était un homme moralement bon et irréprochable. Car Marcellus et son violon ne jouaient que pour les étoiles, un air humble et sans façon, mais d'une beauté astrale. Tout le monde l'aimait, tout le monde l'aimait, car c'était un mec plutôt sympa. Sur la place on chiait, sur la place on chérissait le bon Marcellus Licard. Il y faisait des paix, il y faisait des paix, il y faisait des pestacles avec des marionnettes. Puis dans l'anus, puis dans la nuit, il faisait danser les comètes. Car Marcellus et son violon ne jouaient que pour les étoiles, un air humble et sans façon, mais d'une beauté astrale.